Gladiators. Je n'oublie pas l'arbre qui cache la forêt. Je sais bien que toute cette merde a pour but de creuser le larve-feuille déjà maigre et de la famille endettée. Alors je noircis des feuilles hiver comme été. Et ça n'a pas de prix, je ne brille pas dans leur magazine. Pas assez de vaseline, mais au moins je m'exprime. Et le vide, je le comble d'une imagination féconde. Je dessine ma Joconde sur le dos d'une colombe. Tout ce commerce me plombe. Biaou, pas question que je succombe. Toujours dans ma cave à fabriquer des bombes. Je travaille pour mon âme, rien à foutre de vos nombres. Je sais bien qu'ils sont rares les vrais gens dans ce monde. Je savoure chaque seconde comme un instant précieux. Je savoure chaque seconde comme un instant précieux. Bravo, Kata. Entras o bárbaro, decepando cabeças como sempre. Lendário Marte dos novos tempos, eu assassino e sigo em frente. Armadura impenetrável, técnica impecável. Por onde passo, deixo corpos, eu tenho uma fama louvável. Valor inestimável pra quem deseja minha cabeça. Gladiador sem coração, aqui só tenho uma certeza. Preciso batalhar pra conseguir me manter vivo. Mercenário sanguinário, um soldado do abismo. Sempre com cinismo, eu utilizo a minha mente pra acabar com a autoestima dos inimigos inexperientes. Não posso perder tempo com remorso e compaixão. Apenas preciso me preocupar em espalhar corpos no chão. A minha evolução no meio do campo de batalha. O meu reconhecimento no manejo da espada. Ninguém me enfrenta, pois eles sabem o que acontece. A fama que jorra sangue por onde passo, todos me seguem. Cabeças pelo caminho demonstram por onde passei. Eu deixo um rastro de sangue pra que saibam que eu não perdoei. Tu as la besogne et ça fait plaisir à l'empereur. Qui sirote un rare nectar en rien de nos malheurs. Il n'a qu'à tourner son pouce pour nous plonger dans l'horreur. Car nous sommes entre quatre murs invisibles mais présents. Il nous carte d'un futur libre et des plus plaisants. Stressant n'est pas le mot, je dirais plus oppressant. Si tu fais ce que bon te semble, tu agresses le patron. Sois un être obéissant ou on te jette au lion. Nous ne sommes pas liés par un pacte de sang. Pour sauver sa sale gueule, une pute peut te descendre. Il suffira d'un seul traître dans ta bande pour que ton château de cartes soit soufflé par le vent. Autant te suicider, accélérer le processus. Si tu n'as pas la force de lutter, tout comme l'a fait Spartacus. Le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui résident et ceux qui sucent. En théorie, celui qui suit le berger sera sauvé. Mais s'il perd toutes ses prairies, il devra te sacrifier. Car il pensera d'abord à sa propre survie. Et comme un gladiateur, tu lui donneras ta vie. Aristocrata, obélisque, obélisque seu coração. Je dégole, seus miolos servirão como adoração. Para Odin, sacrifício negro realizado. E o inimigo mutilado por desgraçado. Que anda pela noite no escuro dos pilares. Nos hectares dos pares, milhares para os ares. Devastação sua. A morte será muito lenta. Não ter a lenda, ter a lenha, fogo na resenha. E sua família queima como carne de ouriço. O de ouro que eu sempre como no jantar o misto. Um fictício profício, é isso que eu faço. Já recasso com o machado bárbaro sarcasmo. Não fique pasmo, fique atento com minha chegada. Amaldiçoada, lógica, pessoas penduradas em árvores, foi eu que mesmo fiz. Sua carcaça degolada na minha frente, estou feliz.